Projet 1. Bientôt Noël. Activité 5, page 61. Écoutez 4 personnes francophones expliquer comment elles fêtent Noël. Notez les dates, les repas et les activités qu'elles font. Aidez-vous des textes précédents pour mieux comprendre. Document 1. Tu commences, Florine ? Oui. Pour nous, à La Réunion, à Noël, il fait chaud. Et comme c'est l'été, on a tous les fruits exotiques. Les mangues et surtout le fruit principal, les litchis. Oh oui, les litchis, c'est le dessert traditionnel pour Noël et pour le Nouvel An. Et on mange aussi du porc, des grillades, des langoustes. Chez moi, si on mange de la viande à Noël, on mange des crustacés pour le Nouvel An. Le 25 décembre, nous, les jeunes, on va danser. Mais pas en discothèque. On décore une salle pour l'occasion. Et Noël, c'est le jour des cadeaux pour les enfants. Et en général, les cadeaux pour les parents et les grands-parents, c'est le 1er janvier. Oui, chez moi aussi. Document 2. Le repas de Noël, chez nous, en Belgique, se fait le soir du 24 décembre, en famille. On mange traditionnellement la dinde, mais pas au marron comme en France, et la bûche de Noël. On met les cadeaux au pied d'un sapin décoré et on les ouvre à minuit. Il y a aussi la messe de minuit pour les familles catholiques. Le 25, par contre, on ne fait rien de spécial, on se repose. On sort le jour de l'an. Mais dans ma famille, ma grand-mère nous invite le 1er janvier et elle fait des gaufres en forme de cœur. Ah, autre chose, le champagne accompagne tous ces moments de fête. Document 3. Dis, grand-mère, raconte encore Noël en Suisse. Un vrai Noël en Suisse, c'est un Noël blanc, avec de la neige partout. Tout le monde, petits et grands, décore le sapin. Et qu'est-ce qu'on met ? Des boules qui brillent, des guirlandes, et des objets en chocolat emballés dans du papier doré. Et on peut les manger ? Non, on doit attendre le jour des rois mages. Et quoi encore ? Le 24 au soir, les enfants mettent leurs chaussures devant la cheminée et vont dormir après la messe de minuit. Et quand ils se réveillent, le 25 décembre... On trouve les jouets, les cadeaux du Père Noël. Oui, et pour le déjeuner, on mange de l'oie rôtie, et pour le dessert, la bûche.